Section 14 de Mémoires d'Outre-Tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 5, suite. Les séances de l'Assemblée nationale offraient un intérêt dont les séances de nos chambres sont loin d'approcher. On se levait de bonne heure pour trouver place dans les tribunes encombrées. Les députés arrivaient en mangeant, causant, gesticulant. Ils se groupaient dans les diverses parties de la salle, selon leurs opinions. Lecture du procès-verbal. Après cette lecture, développement du sujet convenu, ou motion extraordinaire. Il ne s'agissait pas de quelque article insipide de loi. Rarement, une destruction manquait d'être à l'ordre du jour. On parlait pour ou contre. Tout le monde improvisait bien ou mal. Les débats devenaient orageux. Les tribunes se mêlaient à la discussion, applaudissaient et glorifiaient, sifflaient et huaient les orateurs. Le président agitait sa sonnette, les députés s'apostrophaient d'un banc à l'autre. Mirabeau le jeune prenait au collet son compétiteur. Mirabeau l'aîné criait « Silence !» aux 30 voix. Un jour, j'étais placé derrière l'opposition royaliste. J'avais devant moi un gentilhomme dauphinois, noir de visage, petit de taille, qui sautait de fureur sur son siège et disait à ses amis « Tombons, l'épée à la main, sur ces gueux-là !» Il montrait le côté de la majorité. Les dames de la halle, tricotant dans les tribunes, l'entendirent, se levèrent et crièrent toutes à la fois, leurs chausses à la main, l'écume à la bouche, « À la lanterne !» Le vicomte de Mirabeau, Lautrec et quelques jeunes nobles voulaient donner l'assaut aux tribunes. Bientôt ce fracas était étouffé par un autre. Des pétitionnaires, armés de piques, paraissaient à la barre. « Le peuple meurt de faim, » disait-il. « Il est temps de prendre des mesures contre les aristocrates et de s'élever à la hauteur des circonstances. » Le président assurait ses citoyens de son respect. « On a l'œil sur les traîtres, » répondit-il, « et l'Assemblée fera justice. » Là-dessus, nouveau vacarme. Les députés de droite s'écriaient qu'on allait à l'anarchie. Les députés de gauche répliquaient que le peuple était libre d'exprimer sa volonté, qu'il avait le droit de se plaindre des fauteurs du despotisme, assis jusque dans le sein de la représentation nationale. Ils désignaient ainsi leurs collègues à ce peuple souverain qui les attendait au réverbère. Les séances du soir l'emportaient en scandale sur les séances du matin. On parle mieux et plus hardiment à la lumière des lustres. La salle du manège était alors une véritable salle de spectacle, où se jouait un des plus grands drames du monde. Les premiers personnages appartenaient encore à l'ancien ordre de choses. Leurs terribles remplaçants, cachés derrière eux, parlaient peu ou point. À la fin d'une discussion violente, je vis monter à la tribune un député d'un air commun, d'une figure grise et inanimée, régulièrement coiffé, proprement habillé comme le régisseur d'une bonne maison ou comme un notaire de village soigneux de sa personne. Il fit un rapport long et ennuyeux. On ne l'écouta pas. Je demandai son nom. C'était Robespierre. Les gens à souliers étaient prêts à sortir des salons et déjà les sabots heurtaient à la porte. Lorsque, avant la Révolution, je lisais l'histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là. Je m'étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d'être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m'a fait comprendre cette possibilité d'existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l'avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d'ennui. Les passions et les caractères en liberté se montrent avec une énergie qu'ils n'ont point dans la cité bien réglée. L'infraction des lois, l'affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l'intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, rentré pour un moment dans l'état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social que lorsqu'il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. Je ne pourrais mieux peindre la société de 1789 et 1790 qu'en la comparant à l'architecture du temps de Louis XII et de François Ier, lorsque les ordres grecs se vinrent mêler au style gothique, ou plutôt en l'assimilant à la collection des ruines et des tombeaux de tous les siècles, entassés pêle-mêle après la terreur dans les cloîtres des petits Augustins. Seulement, les débris dont je parle étaient vivants et variaient sans cesse. Dans tous les coins de Paris, il y avait des réunions littéraires, des sociétés politiques et des spectacles. Les renommées futures erraient dans la foule sans être connues, comme les âmes au bord du Léthé, avant d'avoir joui de la lumière. J'ai vu le maréchal Gouvion-Saint-Cyr remplir un rôle sur le théâtre du Marais, dans la mer coupable de Beaumarchais. On se transportait du club des Feuillants au club des Jacobins, des bals et des maisons de jeu au groupe du Palais-Royal, de la tribune de l'Assemblée nationale à la tribune en plein vent. Passaient et repassaient dans les rues des députations populaires, des piquets de cavalerie, des patrouilles d'infanterie. Auprès d'un homme en habit français, tête poudrée, épée au côté, chapeau sous le bras, escarpins et bas de soie, marchait un homme, cheveux coupés et sans poudre, portant le frac anglais et la cravate américaine. Au théâtre, les acteurs publiaient les nouvelles, le parterre entonnait des couplets patriotiques. Des pièces de circonstance attiraient la foule. Un abbé paraissait sur la scène, le peuple lui criait « Calotin, Calotin !» et l'abbé répondait « Messieurs, vive la nation !» On pourrait entendre chanter Mandini et sa femme, Viganoni et Rovedino à l'opéra Buffa, après avoir entendu hurler « Ça ira !» On allait admirer Madame Dugazon, Madame Saint-Aubin, Carline, la petite Olivier, Mademoiselle Comtat, Mollet, Fleury, Talma, débutant, après avoir vu pendre Favras. Les promenades au boulevard du Temple et à celui des Italiens, surnommés Koblenz, les allées du jardin des Tuileries, étaient inondées de femmes pimpantes. Trois jeunes filles de Grétrie y brillaient, blanches et roses comme leur parure. Elles moururent bientôt, toutes trois. « Elle s'endormit pour jamais, » dit Grétrie en parlant de sa fille aînée, « assise sur mes genoux, aussi belle que pendant sa vie. » Une multitude de voitures sillonnait les carrefours où barbotaient les sans-culottes, et l'on trouvait la belle madame de Buffon assise seule dans un phaéton du duc d'Orléans, stationné à la porte de quelque club. L'élégance et le goût de la société aristocratique se retrouvaient à l'hôtel de la Rochefoucauld, aux soirées de mesdames de Poix, d'Hénin, de Simiane, de Vaudreuil, dans quelques salons de la haute magistrature restés ouverts. Chez M. Necker, chez M. le comte de Montmorin, chez les divers ministres, se rencontraient, avec Mme de Staël, la duchesse d'Aiguillon, mesdames de Beaumont et de Sérilly, toutes les nouvelles illustrations de la France et toutes les libertés des nouvelles mœurs. Le cordonnier, en uniforme d'officier de la garde nationale, prenait à genoux la mesure de votre pied. Le moine, qui le vendredi traînait sa robe noire ou blanche, portait le dimanche le chapeau rond et l'habit bourgeois. Le capucin, rasé, lisait le journal à la guinguette, et dans un cercle de femmes folles paraissait une religieuse gravement assise. C'était une tante ou une sœur mise à la porte de son monastère. La foule visitait ces couvents ouverts au monde, comme les voyageurs parcourent à Grenade les salles abandonnées de l'Alhambra, ou comme ils s'arrêtent à Tibur, sous les colonnes du temple de la Sibylle. Du reste, force duels et amours, liaisons de prison et fraternité de politique, rendez-vous mystérieux parmi des ruines, sous un ciel serein, au milieu de la paix et de la poésie de la nature, promenades écartées, silencieuses, solitaires, mêlées de serments éternels et de tendresses indéfinissables, au sourd fracas d'un monde qui fuyait, au bruit lointain d'une société croulante, qui menaçait de sa chute ses félicités placées au pied des événements. Quand on s'était perdu de vue 24 heures, on n'était pas sûr de se retrouver jamais. Les uns s'engageaient dans les routes révolutionnaires, les autres méditaient la guerre civile, les autres partaient pour l'Ohio, où ils se faisaient précéder de plans de châteaux à bâtir chez les sauvages, les autres allaient rejoindre les princes, tout cela allègrement, sans avoir souvent un sou dans sa poche, les royalistes affirmant que la chose finirait un de ces matins par un arrêt du Parlement, les patriotes tout aussi légers dans leurs espérances, annonçant le règne de la paix et du bonheur avec celui de la liberté. On chantait « La sainte chandelle d'Arras, le flambeau de la Provence, s'il ne nous éclaire pas, mette le feu dans la France, on ne peut pas les toucher, mais on espère les moucher. » Et voilà comment on jugeait Robespierre et Mirabeau. Il est aussi peu en la puissance de toute faculté terrienne, dit l'Estoile, d'en garder le peuple François de parler, que d'enfouir le soleil en terre ou l'enfermer dans un trou. Le palais des Tuileries, grande geôle remplie de condamnés, s'élevait au milieu de ces fêtes de la destruction. Les sentenciers jouaient aussi en attendant la charrette, la tonte, la chemise rouge qu'on avait mise à sécher, et l'on voyait à travers les fenêtres les éblouissantes illuminations du cercle de la reine. Des milliers de brochures et de journaux pullulaient, les satires et les poèmes, les chansons des actes des apôtres, répondaient à l'ami du peuple ou au modérateur du club monarchien rédigé par Fontane. Mallet Dupan, dans la partie politique du Mercure, était en opposition avec la Harpe et Chamfort, dans la partie littéraire du même journal. Chancenet, le marquis de Bonnet, Rivarol, Mirabeau le cadet, le Holbein d'épée qui leva sur le Rhin la légion des hussards de la mort, Honoré Mirabeau l'aîné, s'amusaient à faire, en dînant, des caricatures et le petit almanach des grands hommes. Honoré allait ensuite proposer la loi martiale ou la saisie des biens du clergé. Il passait la nuit chez Madame Leget, après avoir déclaré qu'il ne sortirait de l'Assemblée nationale que par la puissance des baïonnettes. Égalité consultait le diable dans les carrières de Montrouge et revenait au jardin de Monceau présider les orgies dont Laclos était l'ordonnateur. Le futur régicide ne dégénérait point de sa race. Double prostituée, la débauche le livrait, épuisée, à l'ambition. Lauzun, déjà fané, soupait dans sa petite maison à la barrière du Maine avec des danseuses de l'opéra, entre caressées de messieurs de Noailles, de Dillon, de Choiseul, de Narbonne, de Talleyrand et de quelques autres élégances du jour dont il nous reste deux ou trois momies. La plupart des courtisans célèbres, par leur immoralité, à la fin du règne de Louis XV et pendant le règne de Louis XVI, étaient enrôlés sous le drapeau tricolore. Presque tous avaient fait la guerre d'Amérique et barbouillé leurs cordons des couleurs républicaines. La Révolution les employa tant qu'elle se tint à une médiocre hauteur. Ils devinrent même les premiers généraux de ces armées. Le duc de Lauzun, le romanesque amoureux de la princesse Xatoriska, le coureur de femmes sur les grands chemins, le Lovelace, qui avait celle-ci, et puis qui avait celle-là, selon le noble et chaste jargon de la cour, le duc de Lauzun, devenu duc de Biron, commandant pour la Convention dans la Vendée. Quelle pitié! Le baron de Besenval, révélateur menteur et cynique des corruptions de la haute société, mouche du coche des puérilités de la vieille monarchie expirante, ce lourd baron compromis dans l'affaire de la Bastille, sauvé par M. Necker et par Mirabeau, uniquement parce qu'il était suisse. Quelle misère! Qu'avaient à faire de pareils hommes avec de pareils événements? Quand la Révolution eut grandi, elle abandonna avec dédain les frivoles apostats du trône. Elle avait eu besoin de leurs vices, elle eut besoin de leurs têtes. Elle ne méprisait aucun sang, pas même celui de la du Barry. L'année 1790 compléta les mesures ébauchées de l'année 1789. Le bien de l'Église, mis d'abord sous la main de la nation, fut confisqué. La constitution civile du clergé décrétée, la noblesse abolie. Je n'assistai pas à la fédération de juillet 1790. Une indisposition assez grave me retenait au lit, mais je m'étais fort amusé auparavant aux brouettes du Champ de Mars. Madame de Staël a merveilleusement décrit cette scène. Je regretterai toujours de n'avoir pas vu M. de Talleyrand dire la messe servie par l'abbé Louis, comme de ne l'avoir pas vu, le sabre au côté, donner audience à l'ambassadeur du Grand-Turc. Mirabeau déchu de sa popularité dans l'année 1790. Ses liaisons avec la cour étaient évidentes. M. Necker résigna le ministère et se retira sans que personne eût envie de le retenir. Mesdames, tantes du roi, partir pour Rome avec un passeport de l'Assemblée nationale. Le duc d'Orléans, revenu d'Angleterre, se déclara le très humble et très obéissant serviteur du roi. Les sociétés des Amis de la Constitution, multipliées sur le sol, se rattachaient à Paris à la société mère dont elles recevaient les inspirations et exécutaient les ordres. La vie publique rencontrait dans mon caractère des dispositions favorables. Ce qui se passait en commun m'attirait, parce que dans la foule, je regardais ma solitude et n'avais point à combattre ma timidité. Cependant, les salons, participants du mouvement universel, étaient un peu moins étrangers à mon allure, et j'avais, malgré moi, fait des connaissances nouvelles. La marquise de Villette s'était trouvée sur mon chemin. Son mari, d'une réputation calomniée, écrivait avec monsieur Frère du Roi dans le journal de Paris. Madame de Villette, charmante encore, perdit une fille de 16 ans, plus charmante que sa mère, et pour laquelle le chevalier de Parny fit ses vers dignes de l'anthologie. Au ciel, elle a rendu sa vie, et doucement s'est endormie, sans murmurer contre ses lois. Ainsi le sourire s'efface, ainsi meurt, sans laisser de trace, le chant d'un oiseau dans les bois. Mon régiment, en garnison à Rouen, conserva sa discipline assez tard. Il eut un engagement avec le peuple au sujet de l'exécution du comédien Bordier, qui subit le dernier arrêt de la puissance parlementaire. Pendu la veille, héros le lendemain, s'il eût vécu 24 heures de plus. Mais, enfin, l'insurrection se mit parmi les soldats de Navarre. Le marquis de Mortemart émigra, les officiers le suivirent. Je n'avais ni adopté ni rejeté les nouvelles opinions. Aussi peu disposé à les attaquer qu'à les servir, je ne voulus ni émigrer, ni continuer la carrière militaire. Je me retirai. Dégagé de tout lien, j'avais d'une part des disputes assez vives avec mon frère et le président de Rosambeau. De l'autre, des discussions non moins aigres avec Ginguené, La Harpe et Chamfort. Dès ma jeunesse, mon impartialité politique ne plaisait à personne. Au surplus, je n'attachais d'importance aux questions soulevées alors que par des idées générales de liberté et de dignité humaine. La politique personnelle m'ennuyait. Ma véritable vie était dans des régions plus hautes. Les rues de Paris, jour et nuit encombrées de peuple, ne me permettaient plus mes flâneries. Pour retrouver le désert, je me réfugiais au théâtre. Je m'établissais au fond d'une loge et laissais errer ma pensée aux vers de Racine, à la musique de Sacchini ou aux danses de l'opéra. Il faut que j'aie vu intrépidement 20 fois de suite aux Italiens la Barbe bleue et le Sabot perdu, m'ennuyant pour me désennuyer comme un hibou dans un trou de mur. Tandis que la monarchie tombait, je n'entendais ni le craquement des voûtes séculaires, ni les miaulements du vaudeville, ni la voix tonnante de Mirabeau à la tribune, ni celle de Colin qui chantait à Babet sur le théâtre, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, quand la nuit est longue, on l'abrège. M. Monet, directeur des mines, et sa jeune fille, envoyée par Mme Ginguené, venaient quelquefois troubler ma sauvagerie. Mademoiselle Monet se plaçait sur le devant de la loge. Je m'asseyais, moitié content, moitié grognant, derrière elle. Je ne sais si elle me plaisait, si je l'aimais, mais j'en avais bien peur. Quand elle était partie, je la regrettais, en étant plein de joie de ne la voir plus. Cependant, j'allais quelquefois, à la sueur de mon front, la chercher, chez elle, pour l'accompagner à la promenade. Je lui donnais le bras, et je crois que je serrais un peu le sien. Une idée me dominait, l'idée de passer aux États-Unis. Il fallait un but utile à mon voyage. Je me proposais de découvrir, ainsi que je l'ai dit dans ses mémoires et dans plusieurs de mes ouvrages, le passage au nord-ouest de l'Amérique. Ce projet n'était pas dégagé de ma nature poétique. Personne ne s'occupait de moi. J'étais alors, ainsi que Bonaparte, un mince sous-lieutenant tout à fait inconnu. Nous partions, l'un et l'autre, de l'obscurité à la même époque. Moi, pour chercher ma renommée dans la solitude, lui sa gloire parmi les hommes. Or, ne m'étant attaché à aucune femme, ma sylphide obsédait encore mon imagination. Je me faisais une félicité de réaliser avec elle mes courses fantastiques dans les forêts du Nouveau Monde. Par l'influence d'une autre nature, ma fleur d'amour, mon fantôme sans nom des bois de l'Armorique, est devenu Atala sous les ombrages de la Floride. Monsieur de Malesherbes me montait la tête sur ce voyage. J'allais le voir le matin, Le nez collé sur des cartes, nous comparions les différents dessins de la coupole arctique. Nous supputions les distances du détroit de Bering au fond de la baie d'Hudson. Nous lisions les divers récits des navigateurs et voyageurs anglais, hollandais, français, russes, suédois, danois. Nous nous enquérions des chemins à suivre par terre pour attaquer le rivage de la mer polaire. Nous devisions des difficultés à surmonter, des précautions à prendre contre la rigueur du climat, les assauts des bêtes et le manque de vivres. Cet homme illustre me disait « Si j'étais plus jeune, je partirais avec vous. Je m'épargnerais le spectacle que m'offrent ici tant de crimes, de lâchetés et de folies. Mais à mon âge, il faut mourir où l'on est. Ne manquez pas de m'écrire par tous les vaisseaux, de me demander vos progrès et vos découvertes. Je les ferai valoir auprès des ministres. C'est bien dommage que vous ne sachiez pas la botanique. » Au sortir de ces conversations, je feuilletais Tournefort, Duhamel, Bernard de Jussieu, Grove, Jacquin, le dictionnaire de Rousseau, les flores élémentaires. Je courais au jardin du roi et déjà je me croyais un Linné. Note. De ses études botaniques qui avaient préparé son voyage au Nouveau Monde, il était resté à Châteaubriant une connaissance assez étendue des plantes. Et ses contemplations de la nature, comme ses promenades solitaires, avaient accru sa science. « Quand nous errions, dit M. de Marcellus, Châteaubriant et son temps, page 44, dans les grands espaces presque déserts autour de Londres, il s'amusait à me montrer dans les prairies de Regent's Park ou sous les bois de Kensington quelques-unes des fleurs, ses anciennes amies de Combourg, retrouvées dans les forêts de l'Amérique, mais il citait moins Linné que Virgile, car il savait les géorgiques par cœur. « Voici, me dit-il un jour, l'avoine stérile, stériles dominantur avenoe. Mais Virgile veut parler ici de l'avoine folle et sauvage, et elle n'est pas stérile, car les Indiens la récoltent en Amérique. J'en ai vu des moissons naturelles aussi hautes et épaisses que nos champs de blé. Là, au lieu de la main des hommes, c'est la Providence qui la sème. Regardez ce chardon épineux, secnisque horeret inarvis carduus. Et il n'est pas secnis, parce qu'il serait lent et paresseux à croître, mais bien au contraire, parce qu'il rapporte aussi peu que les terres où il s'élève. Neu secnes faceant terroe, a dit aussi Virgile. Ici, la grande centaurée, Grauelontia centaurea, que j'ai cueillie sur les ruines de la Cédémone. Plus loin, le Cerintoe ignobile gramen, périphrase pour laquelle j'aurais à gronder un peu le poète latin, car je veux y retrouver notre gentille pâquerette, qui certes n'a rien d'ignoble. Fin de note. Enfin, au mois de janvier 1791, je pris sérieusement mon parti. Le chaos augmentait. Il suffisait de porter un nom aristocrate pour être exposé aux persécutions. Plus votre opinion était consciencieuse et modérée, plus elle était suspecte et poursuivie. Je résolus donc de lever mes tentes. Je laissai mon frère et mes sœurs à Paris et m'acheminai vers la Bretagne. Je rencontrai à Fougères le marquis de la Rouërie. Je lui demandai une lettre pour le général Washington. Le colonel Armand, nom qu'on donnait au marquis en Amérique, s'était distingué dans la guerre de l'indépendance américaine. Il se rendit célèbre, en France, par la conspiration royaliste qui fit des victimes si touchantes dans la famille des Desiles. Mort en organisant cette conspiration, il fut exhumé, reconnu, et causa le malheur de ses hôtes et de ses amis. Rival de Lafayette et de Lauzun, devancier de la Roche-Jacquelin, le marquis de la Rouërie avait plus d'esprit qu'eux. Il s'était plus souvent battu que le premier. Il avait enlevé des actrices à l'opéra, comme le second. Il serait devenu le compagnon d'armes du troisième. Il fourrageait les bois en Bretagne avec un major américain et accompagné d'un singe assis sur la croupe de son cheval. Les écoliers de droit de Rennes l'aimaient à cause de sa hardiesse d'action et de sa liberté d'idées. Il avait été un des 12 gentilshommes bretons mis à la Bastille. Il était élégant de taille et de manière, brave de mine, charmant de visage, et ressemblait au portrait des jeunes seigneurs de la Ligue. Je choisis Saint-Malo pour m'embarquer, afin d'embrasser ma mère. Je vous ai dit au troisième livre de ses mémoires comment je passais par Combourg et quels sentiments m'oppressèrent. Je demeurai 2 mois à Saint-Malo, occupé des préparatifs de mon voyage, comme jadis de mon départ projeté pour les Indes. Je fis marcher avec un capitaine nommé Dujardin. Il devait transporter à Baltimore l'abbé Nagot, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, et plusieurs séminaristes sous la conduite de leur chef. Ses compagnons de voyage m'auraient mieux convenu 4 ans plus tôt. De chrétien zélé que j'avais été, j'étais devenu un esprit fort, c'est-à-dire un esprit faible. Ce changement dans mes opinions religieuses s'était opéré par la lecture des livres philosophiques. Je croyais de bonne foi qu'un esprit religieux était paralysé d'un côté, qu'il y avait des vérités qui ne pouvaient arriver jusqu'à lui, tout supérieur qu'il pût être d'ailleurs. Ce benoît orgueil me faisait prendre le change. Je supposais dans l'esprit religieux cette absence d'une faculté qui se trouve précisément dans l'esprit philosophique. L'intelligence courte croit tout voir, parce qu'elle reste les yeux ouverts. L'intelligence supérieure consent à fermer les yeux, parce qu'elle aperçoit tout en dedans. Enfin, une chose m'achevait, le désespoir sans cause que je portais au fond du cœur. Une lettre de mon frère a fixé dans ma mémoire la date de mon départ. Il écrivait de Paris à ma mère en lui annonçant la mort de Mirabeau. 3 jours après l'arrivée de cette lettre, je rejoignis en rade le navire sur lequel mes bagages étaient chargés. On leva l'ancre, moment solennel parmi les navigateurs. Le soleil se couchait quand le pilote côtier nous quitta, après nous avoir mis hors des passes. Le temps était sombre, la brise molle, et la houle battait lourdement les écueils à quelques encablures du vaisseau. Mes regards restaient attachés sur Saint-Malo. Je venais d'y laisser ma mère, tout en larmes. J'apercevais les clochers et les dômes des églises où j'avais prié avec Lucile. Les murs, les remparts, les forts, les tours, les grèves, où j'avais passé mon enfance avec Jesril et mes camarades de jeu. J'abandonnais ma patrie déchirée lorsqu'elle perdait un homme que rien ne pouvait remplacer. Je m'éloignais également incertain des destinées de mon pays et des miennes. Qui périrait de la France ou de moi? Reverrai-je jamais cette France et ma famille? Le calme nous arrêta avec la nuit au débouquement de la rade. Les feux de la ville et les phares s'allumèrent. Ces lumières qui tremblaient sous mon toit paternel semblaient à la fois me sourire et me dire adieu en m'éclairant parmi les rochers, les ténèbres de la nuit et l'obscurité des flots. Je n'emportais que ma jeunesse et mes illusions. Je désertais un monde dont j'avais foulé la poussière et compté les étoiles, pour un monde de qui la terre et le ciel m'étaient inconnus. Que devait-il m'arriver si j'atteignais le but de mon voyage ? Égaré sur les rives hyperboréennes, les années de discorde qui ont écrasé tant de générations avec tant de bruit seraient tombées en silence sur ma tête. La société eût renouvelé sa face, moi absent. Il est probable que je n'aurais jamais eu le malheur d'écrire. Mon nom serait demeuré ignoré, où il ne s'y fût attaché qu'une de ces renommées paisibles, au-dessous de la gloire, dédaignées de l'envie et laissées au bonheur. Qui sait si j'eusse repassé l'Atlantique, si je ne me serais point fixé dans les solitudes, à mes risques et périls, explorés et découvertes, comme un conquérant au milieu de ses conquêtes? Mais non, je devais rentrer dans ma patrie, pour y changer de misère, pour y être tout autre chose que ce que j'avais été. Cette mer, au giron de laquelle j'étais né, allait devenir le berceau de ma seconde vie. J'étais porté par elle dans mon premier voyage, comme dans le sein de ma nourrice, dans les bras de la confidente de mes premiers pleurs et de mes premiers plaisirs. Le jusant, au défaut de la brise, nous entraîna au large, les lumières du rivage diminuèrent peu à peu et disparurent. Épuisé de réflexions, de regrets vagues, d'espérances plus vagues encore, je descendis à ma cabine, je me couchai, balancé dans mon hamac, au bruit de la lame qui caressait le flanc du vaisseau. Le vent se leva, les voiles déferlées qui coiffaient les mâts s'enflèrent, et quand je montais sur le Tillac le lendemain matin, on ne voyait plus la terre de France. Ici changent mes destinées. Encore à la mer. Again to sea. Byron. Fin de la section 14.